Chapitre 12. Le lendemain, avant de monter chez Rose, il descendit à la pension pour compléter ses renseignements sur l'étrange fuite des petits Water. Devant la grille, il rencontra Miss Cope, l'air plus ravagé que jamais, mais avec une mine de combat et le regard aussi brillant de résolution que celui de sa complice. Elle donna à Boyne une poignée intrépide de ses gants gris en remerciant le ciel de le trouver encore à Cortina. Elle partait justement à sa recherche, pendant que Judith et Terry étaient encore au lit. Mieux valait les laisser dormir après les fatigues de ces derniers jours, surtout Terry qui était encore un peu fiévreux. Le reste avait déjeuné et venait de partir sous la houlette de la nourrice et de la bonne d'enfant. On pouvait bavarder un peu. Ce n'est pas le mot que Boyne attendait pour le récit des événements, mais Miss Cope devait ressembler à la sorcière de l'Atlas qui courait sur la plateforme des vents et riait d'entendre derrière elle le rugissement des soleils. Son calme lui rendit l'équilibre. Il n'était pas fâché de savoir à quoi s'en tenir avant de revoir la jeune fille. Miss Cope ne perdait pas la tête dans les grandes occasions. Elle en avait tant vu et de toutes les couleurs que les catastrophes avaient fini par lui paraître aussi naturelles que les tempêtes ou la petite vérole. Elle n'en apercevait pas moins la gravité de la situation. Elle l'eût plutôt exagérée. Elle prenait à la sensation du danger une sorte de plaisir. Ce n'était pas la première fois que Judith avait menacé de s'enfuir avec tous les petits. Il fallait qu'une bonne fois, la menace fût suivie d'exécution. « Mais, Miss Cope, avez-vous pensé aux conséquences ?» L'institutrice dut avouer que le départ avait été trop précipité pour permettre beaucoup de réflexion. C'était le moment ou jamais. Cela était clair pour elle autant que pour Judith et pour Terry. Pour que Terry fût avec elle, il fallait bien que la situation fût tout à fait désespérée. Vous en êtes sûr? Ah, monsieur Boyne, si vous aviez passé par là deux fois comme mes pauvres enfants. En écoutant les détails de l'histoire, force lui fut de convenir que cela avait dû être épouvantable. Mais maintenant que vous voilà en état de révolte ouverte, qu'est-ce que vous allez faire? Comment sortirez-vous de là une fois découverte? Judith compte beaucoup sur votre intervention. C'est pourquoi elle était si pressée de vous trouver ici. Et puis elle se dit que l'on pourra gagner du temps. Elle pourra voir venir arrêter un programme. Elle compte qu'il faudra quelques jours pour nous découvrir. Vous savez qu'elle a laissé une lettre pour son père. Monsieur, ajouta la vieille fille de son accent le plus sévère, faites-moi l'honneur de croire que jamais, dans les circonstances ordinaires, je ne me prêterai à un mensonge. Les enfants vous le diront sur ce point, je suis intraitable. Mais cette fois, ce n'était pas des circonstances ordinaires. » Elle toussa pour s'éclaircir la gorge et ajouta « Judith a écrit que nous nous étions embarqués pour l'Amérique. Elle calcule que son père se précipitera sur cette piste et cela nous fera gagner quelques semaines, puisque le bateau n'arrive à New York que dans 10 jours. » Calcul puéril, mais Boyne garda cette remarque pour lui et se borna à dire « Soit, je le veux bien. Mais en attendant, de quoi vivrez-vous ? On ne nourrit pas un régiment comme le vôtre pour rien. » De blême, la physionomie de l'institutrice devint livide. Elle détourna les yeux, comme lorsqu'elle parlait de Terry, et dit en hésitant « Je crois que Judith a de l'argent. » « Pauvre femme, pensa Boyne, je vois ça d'ici. Elle aura mobilisé toutes ses économies. » « Ah, fit-il tout haut, c'est différent. » Et il se sentait pris d'un soudain dégoût pour le luxe et le gaspillage. L'égoïsme et la vanité de ce monde de riches où avait poussé cette pâle fleur de tendresse et de désintéressement. « Oui, je comprends, » répéta-t-il. Il se leva et lui tendit la main. « C'est vous qui êtes la vraie mère. Si je puis quelque chose, dans la limite de mes humbles ressources. » Une larme coula dans les rides du visage détourné de l'institutrice. Il la devina au geste rapide du vieux gant de coton. « Je sais, je sais. Voyez-vous, monsieur, c'est une vraie providence de vous avoir trouvé. » Il serra très fort le gant humide et assura la vieille femme qu'elle pouvait compter sur lui. « À présent, au revoir, » ajouta-t-il. « Je m'en vais réfléchir et revenir un peu plus tard, quand Judith et son frère seront réveillés. » Il était plus de 11 heures quand il arriva au chalet. Heureusement, il n'y avait pas d'excursion pour ce matin-là. Madame Sellers avait des lettres à écrire et avait dit la veille qu'elle ne l'attendait pas de bonne heure. En approchant de la maisonnette sur la pelouse d'émeraude, il aperçut son amie sur le balcon près d'une table à écrire. Mais elle était debout, accoudée à la rampe, et interrogeait du regard le chemin qu'il avait l'habitude de suivre. Il lui fit bonjour de la main, et elle répondit par un geste de bienvenue. « Arrivez vite, je suis noyée dans les paperasses !» lui cria-t-elle gaiement. « Je suis venue hier soir, mais tout était éteint et je n'ai pas voulu réveiller la cuisinière, » dit-il en riant et en la prenant dans ses bras. Il faisait chaud, et elle avait une petite robe de mousseline blanche qui lui donnait un air de printemps. Elle avait son teint du matin, où le baiser qu'il lui donna fit venir une rougeur heureuse. « Mais moi, » ajouta-t-elle, « vous n'avez pas eu peur de moi. Vous, par exemple, j'aime bien ça. Vous m'avez lâché hier soir, c'est vous qui devriez avoir peur. Je viens vous faire une scène. Vous me devriez une visite de remerciement pour mon tact. J'ai vu que vous retrouviez de vieux amis, et je me suis éclipsé. C'est une jeune amie que j'ai retrouvée, Judith Water. Je suis venu vous le dire, mais vous étiez déjà parti. Ah, cette fameuse Judith, c'était elle, dit-elle, et ses yeux s'allumaient d'intérêt et de curiosité. Mais vous dites toujours que c'est un enfant. Je ne pouvais pas deviner. Vous me disiez vous-même hier soir qu'elle vous semblait si jeune. Très jeune, évidemment, mais ce n'est plus une petite fille. Mais si, c'est une enfant, et une enfant bien à plaindre. Je voudrais vous parler d'elle. J'ai besoin que vous m'aidiez. Vous ne pouvez pas vous figurer dans quel pétrin je suis. » Elle avait regagné son fauteuil, et il s'assit à côté d'elle. Son teint s'animait en l'écoutant, et elle avait un sourire incertain. « Voyons, un pétrin pour cet enfant. » Le sourire disparut, et la couleur suivit le sourire. « Martine, je ne vous comprends plus. Vous ne pouvez pas... » Il la regarda étonné et partit d'un éclat de rire. « Être pincé par cette petite fille, Dieu vous bénisse, quelle idée! Elle sort de nourrice !» Et il rit encore pour cacher sa surprise et dissiper la méfiance de son ami. C'est incroyable ce que vont chercher les femmes les plus raisonnables au moment où on leur demande de regarder les choses comme un homme. « Il s'agit bien de cela, » continua-t-il tout haut. « Ce n'est pas une affaire de sentiment, mais c'est une sale affaire. Le ménage Water est encore par terre, et Judith arrive comme une bombe avec toute la marmaille pour empêcher qu'on ne les sépare, comme il arrive toutes les fois qu'il y a un nouvel orage. » Madame Sellers l'écoutait avec de grands yeux et la bouche ouverte. Elle ne comprit pas tout de suite et répéta vaguement « Comme une bombe, mais d'où viennent-ils ? » « De chez leurs parents. Ils sont partis sans crier gare, et voilà. » Elle ne dit rien, et resta les yeux fixés sur cette constatation qui ne parut lui apporter aucune lumière. « Mais avec qui ? Ils ne sont tout de même pas partis tout seuls. » « Ils sont avec l'institutrice et les deux bonnes. Dans ce genre de crise, tout le monde fait corps avec Judith. Je viens de causer tout à l'heure avec l'institutrice. Elle est entièrement pour elle. » Ce n'est pas la première fois que cela leur arrive. De se sauver comme cela? Non, mais d'en avoir envie. La dernière fois, Judith a dit à ses parents que s'ils redivorçaient, elle emmènerait tous les petits, plutôt que de subir une nouvelle séparation. Quand le ménage saute, on partage les petits entre les ex-parents. Il y en a qui sont de fameuses canailles, un soi-disant prince italien, une star de cinéma, et Lord je ne sais qui par-dessus le marché. Sans parler des nouveaux éléments qui menacent d'entrer dans la famille, si Joyce et Water se remarient chacun de leur côté, comme ils le feront dans 5 minutes si on les laisse faire. Rose, le menton dans la main, écoutait dans un silence mélangé de dégoût. Quand Boyne eut cessé de parler, elle resta 1 minute immobile et sans lever les yeux, puis elle prononça à voix basse « C'est tout simplement monstrueux. » « Oui, » dit-il, « et pourtant c'est vrai. » Les horreurs que ces pauvres petits ont dû voir, c'est pour leur en épargner d'autres que leur sœur les a emmenés. Je la comprends, pauvre enfant. Son visage exprimait la pitié. Au commencement, je n'y étais pas. Maintenant, je commence à comprendre. Elle vient naturellement dans l'espoir que vous allez la tirer de là. Elle n'a pas eu le temps de la réflexion. Elle se rappelait vaguement mon adresse, voilà tout. Mais l'argent, où ont-ils trouvé de l'argent ? Un régiment pareil ne se transporte pas pour rien. » Boyne hésita, puis se dit qu'il n'avait pas le droit de trahir l'institutrice, et se borna à répondre qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper de ce détail, mais que dans une maison d'extravagants comme les Water, Il devait toujours y avoir des sommes disponibles, d'autant que le projet d'envoyer les enfants à la montagne était dans l'air. Quelle horreur! Tout cela est un mélange de folie et de choses touchantes. Où sont-ils, ces pauvres petits? À votre hôtel, je pense? Madame Sellars était rentrée prendre son chapeau et son ombrelle. Soyez gentil, je serai heureuse de les revoir tout de suite. Boyne fut touché de ce mouvement, mais alarmé secrètement de ce qui allait arriver si son ami se trouvait exposé sans préparation à un assaut en masse de tous les jeunes Water. Il expliqua que la famille avait pris ses quartiers dans une pension à bon marché, que tous les petits étaient déjà dehors et que les deux grands étaient en train de dormir sur leurs émotions. « Voulez-vous que je descende, ajouta-t-il, et que je vous ramène, Judith, toute seule? Cela vaudrait mieux de la voir d'abord sans tous les autres. Tous les sept, je craindrais que ce ne soit trop pour vous. » Et il n'y en a tant que cela. Elle convainc que le mieux sera en effet de ramener la jeune fille toute seule à déjeuner. « Si une vieille femme ne lui fait pas peur, ajouta-t-elle. » L'idée que Judith pouvait avoir peur de quelqu'un fit sourire Boyne, mais il trouva fort aimable l'invitation de son amie, et se félicita qu'elle fût là pour lui donner un bon conseil. « Quand elle aura causé tranquillement avec Judith, pensa-t-il, elle sera certainement conquise, et elle verra mieux que moi ce qu'il y a à faire pour le bien des enfants. »« Pourvu que Judith ne commence pas par la scandaliser, » songea-t-il. Et il eut l'idée de prévenir Madame Sellars que sa petite amie n'était pas une ingénue. Il se ravisa ensuite en disant que cet avertissement ne servirait qu'à l'indisposer contre la jeune fille, et que le plus sage était de s'en remettre au charme de celle-ci pour atténuer l'audace de sa conversation. C'est plutôt à Judith elle-même qu'il fallait faire la leçon. Mais cette nouvelle idée s'évanouit aussitôt qu'il eut aperçu la jeune fille. Radieuse et rafraîchie par une nuit de sommeil, elle était ce matin-là particulièrement en beauté dans une robe blanche et un grand chapeau à ruban rose qu'elle envoya promener dans les groseilliers en sautant au cou de son ami dans un geste qui découvrit sa tête ébouriffée et ses yeux pleins de rire. « Vous avez l'air d'une pensée ce matin, » dit-il, frappé par la ressemblance de son petit visage aux yeux de velours brun, avec l'expression curieuse et inquiète de la petite fleur des montagnes. Mais la jeune fille fit la grimace. « Vilain monstre, voulez-vous vous taire? Une fleur d'enterrement? Je ne me sens pas du tout funèbre, pas du tout. Il fait si bon ici, et puis que vous soyez là. » « Vous venez déjeuner, n'est-ce pas? Les petits vont être fous de joie. C'est ce qui les a décidés au voyage, vous savez. Blanca et Zini étaient inquiètes. Elles ont toujours peur d'être privées d'un plaisir si on se fâche avec maman. Mais j'ai promis qu'ici, nous ferions bien d'autres parties avec vous. » Suspendue à son bras, elle attirait Boyne vers la maison. « Je préviens la patronne que vous restez à déjeuner. Scopy est là-haut avec Terry. Elle m'a bien recommandé de faire la commission pour que la cuisinière ajoute un entremets. » Ils étaient dans le petit salon qui sentait le vernis et l'edelweiss. Sur le poêle, il y avait un aigle empaillé. Judith s'assit sur le sofa et fit asseoir Boyne auprès d'elle. « D'abord, pour commencer, quel est votre pudding préféré ?»« Celui que vous voudrez, ça m'est égal. Malheureusement, pour le déjeuner... » Elle se redressa et eut un sourire entendu. « Je vois. Vous êtes ici avec une dame, incognito. Vous préférez que ça ne se sache pas. « J'ai dit à Scopy que j'avais l'idée... »« Quelle sottise, Judith! Qu'allez-vous chercher là ?»« Des bêtises. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'être ici avec une dame? Vous êtes encore très bien, mon cher. » Elle ferma à demi les paupières et lui glissa un regard insinuant. « Ne parlez donc pas comme une manucure. Le fait est que j'ai ici une vieille amie à moi qui aimerait beaucoup vous voir et qui a eu la gentillesse. Une vieille amie. Comme j'ai l'honneur de vous le dire. » « Vieille comme Scopy ? Non, peut-être même pas tant que madame votre mère. Et vous avez le toupet de prétendre qu'elle est vieille ? Est-ce qu'elle est aussi plus jolie que maman ? » dit-elle d'un air inquisiteur. « Je n'en sais rien, je n'y ai jamais pensé. En tout cas, je suis sûr qu'elle ne s'habille pas si bien. Mais vous devez trouver que Joyce s'habille un peu trop. » « Je n'ai jamais pensé à cela non plus. Quand je dis vieille, je veux dire que madame Sellars et moi, nous sommes de vieux amis. » Elle habite là-haut, dans le chalet derrière les hôtels, et elle m'a demandé de vous amener à déjeuner. Moi, toute seule? Elle n'aurait pas demandé mieux que de vous avoir tous, sans oublier Chip. Mais la maison n'est pas grande, vous ne pourriez pas y tenir. Alors, pour ne pas faire de jaloux, venez que je vous présente. Je serai très heureux que vous vous connaissiez. Personne ne vous donnera de meilleurs conseils. La jeune fille se redressa avec beaucoup de raideur. Son visage se vida de toute expression. « Les vôtres me suffisent, dit-elle. D'ailleurs, j'irai, si vous voulez. »« Il n'y a pas de si je veux. » »« Dites-vous que si je vous donne un conseil, qui nous serve, c'est que j'aurai consulté Madame Sellers. Ce n'est pas trop de se mettre à deux pour vous sortir d'affaire. » Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte dans quel drap vous vous êtes mis. Elle est plus jeune que maman et vous ne savez pas comment elle s'habille. C'est donc que vous êtes amoureux d'elle. Il n'y a pas à sortir de là, continua Judith, comme si les derniers mots de Boyne ne lui avaient pas fait la moindre impression. Que je le sois ou non, je ne vois pas ce que cela y fait, répliqua-t-il en commençant à se mettre en colère. Ce qui compte, c'est que c'est une des femmes qui ont le plus de cœur et de bon sens que je connaisse. C'est ce que les hommes disent toujours, dit la jeune fille d'un air pensif. Elle se retira légèrement en arrière pour étudier son voisin à travers ses paupières mi-closes. Cela doit être épatant d'être amoureux, murmura-t-elle, et elle poursuivit avec un sourire taquin. Blanca est toujours tellement plus maligne que moi. Elle nous a dit, voyons, c'est clair, si Martine est tellement pressée de quitter Venise, c'est qu'il veut être tranquille pour trouver une connaissance. Sa voix baissa, et les coins de ses lèvres tombèrent. Vous avez dû me trouver bien bête, de tomber comme une étourdie dans votre tête-à-tête et vous vous creuser la cervelle pour vous débarrasser de nous sans vous faire des affaires avec papa et maman. Boyne était à la fois ému et exaspéré, comme il lui arrivait souvent en parlant avec la jeune fille, surtout quand celle-ci cherchait à le blesser. Il posa sa main sur la sienne d'un air de reproche. Mon enfant, vous mériteriez que je vous gronde. Vous ne dites que des sottises. Je me creuse la cervelle pour tâcher de vous tirer d'embarras, voilà la vérité. Je cherche le moyen qu'on vous laisse ensemble comme vous voilà, et que vos parents ne se figurent pas que je suis pour rien dans votre escapade. Quant à eux, vous avez raison, je ne veux pas me brouiller avec eux, parce que cela me donne une chance de me faire écouter si je leur dis que, quoi qu'ils fassent, ils n'ont pas le droit de vous séparer. Si j'ai réussi, je crois que je vous aurais servi de mon mieux. Mais je ne vois pas encore très bien la marche à suivre. Et c'est pour cela que je vous demande de faire connaissance avec Madame Sellers. » À sa surprise, elle écouta ses paroles avec attention et, quand il eut fini, leva vers lui un visage de petite fille obéissante. « Mais oui, Martine, je ferai ce qui vous plaira. Mais ne croyez-vous pas que votre ami comprendrait mieux si je disais à Nounou de venir avec Chip après le déjeuner ?»« C'est cela, bravo » s'écria-t-il avec enthousiasme, et la jeune fille, là-dessus, proposa de monter voir son frère avant de partir.